Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h si vous avez raté la fin. Cette semaine, l'école républicaine au péril des inégalités, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce rude mois de septembre où l'on retrouve encore parfois un petit coquillage au fond de sa poche pris entre la nostalgie de l'été et les résolutions de la rentrée. Ça sent les cahiers neufs, les soirées à couvrir les livres et les marronniers. Mais il y a surtout une devise gravée sur le fronton des écoles et qui semble souvent perdre de son sens. Alors pour commencer, les personnages. Des profs déconsidérés, un prof de collège arrivé par hasard, un autre qui a fait ses armes dans le Val-de-Marne, des profs anciens bons élèves, des élèves agités et curieux, de jeunes profs jetés dans l'arène, des chercheurs qu'on n'écoute pas, une proviseure à la retraite et des cancres humiliés qui deviendront des adultes. Ensuite, le décor. Un idéal en berne, des milieux défavorisés, du provisoire permanent, de la ségrégation, des chips et du quinoa, des concours, la transmission, des formations au rabais, la solidarité entre collègues, l'implacable déterminisme social, une conversation téléphonique, une ville qui consomme l'école, des réunions de rentrée, l'école pour faire admettre les inégalités et 2% de chance pour un banlieusard d'aller dans une université parisienne. Aujourd'hui, deuxième épisode, c'est la fin de la récré. Alors là, je connais moins. Romain. Oscar. Je crois qu'il m'en manque une. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, parole de prof. Bien. Par Alain Lefkovitch et Vincent Deck. Bonjour à vous. Comme vous voyez, vous êtes très nombreux. 36 aujourd'hui, mais normalement 37. Donc bienvenue en première ESCA. Cette année, je vais donc être votre professeur principal et votre professeur de français. Donc on va être amené à se voir un certain nombre d'heures par semaine et à préparer une de vos premières épreuves du baccalauréat. J'aurai évidemment l'occasion d'en reparler. Donc pour commencer, je vais faire l'appel. Donc Emma, Alessi. C'est à eux que nous confions quotidiennement nos enfants, à ces profs bien souvent coincés entre le marteau ministériel et l'enclume sociale. Un exercice de style auquel ils doivent s'adapter dans le respect d'un idéal républicain qui semble s'éloigner peu à peu des réalités sociales et culturelles. On se souvient toujours d'eux. Il y a ceux qu'on aime et ceux qu'on déteste, ceux qui nous encouragent et les autres, ceux qu'on chahute et ceux qui font peur. Ils sont les pièces maîtresses d'une immense machinerie destinée à fabriquer les citoyens de demain, oracle de la bonne parole républicaine et de son idéal. Observateurs privilégiés des réalités de notre société, de ses quartiers, de ses difficultés, de ses contradictions, de ses inégalités économiques et culturelles, les profs se livrent ici sans filtre. Pas formés ou mal formés, ils sont dès le début confrontés à des réalités auxquelles rien ne les avait préparés. Jamais consultés par la hiérarchie sur les réalités de leur métier, tous ont été marqués par leurs premières années, jonchées de problématiques identiques face auxquelles la société semble sourde. Et si certains voient encore leur métier comme un sacerdoce, pour d'autres, c'est un véritable chemin de croix, confronté aux aléas d'un ministère titanesque qui ne cesse d'annoncer, de communiquer, de réformer, de changer, afin d'atteindre l'impossible école pour tous. Là, Oscar, regarde, là tu as des bacs, tu poses ton cahier dans le bac vert, d'accord ? Daouda, tu vas descendre avec Gaspard, Sua et Tom. Les 4 CE2 qui restent, vous pouvez aller prendre vos affaires et descendre. Alors, première matinée, Laura, bilan ? Bon, ça va. Je vais regarder un peu comment ils écrivent. Ça va, ils sont mimi, ils parlent beaucoup, mais ça, c'est aussi symptomatique du milieu social, je dirais. Bah, ça parle beaucoup. L'adulte, c'est pas une autorité forcément évidente. C'est souvent des familles où la parole de l'enfant elle est sur un pied d'égalité que celle de l'adulte. Donc voilà, faut un peu reprendre ça. De plus en plus, je trouve qu'il faut leur parler individuellement. La consigne de groupe, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'enseignant s'adapte au milieu social qu'il reçoit dans sa classe. Ah, ça, c'est évident. Moi, j'étais dans des écoles plus bourgeoises où, par exemple, c'était impensable pour mes collègues que je me fasse tutoyer. C'était vraiment un manque de respect total. Après, oui, forcément, on s'adapte. C'est sûr que dans des milieux plus défavorisés, on va moins communiquer par l'écrit, on va plus communiquer par l'oral ou le téléphone. Mais oui, on s'adapte. Je vais utiliser un vocabulaire plus ou moins spécialisé en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et en plus, on est dans une société où aujourd'hui, on peut... Là, maintenant, dès qu'on dit quelque chose sur l'éducation, on prend 15 000 pincettes. Enfin, moi, je me suis déjà pris en réunion parents, quand je demande, je dis aux parents que c'est bien de les coucher tôt, etc. Je me suis déjà pris, vous n'êtes pas chargée d'éducation. Oui, non, je ne suis pas chargée d'éducation, mais je les vois dormir en classe. Donc, on n'est plus considérés complètement comme des spécialistes de l'éducation, alors que je pense que c'est ce qu'on est. Et après, j'essaie toujours de partir, on va dire, du plus bas. C'est-à-dire de me dire, ça c'est un mot qu'ils ne connaissent pas, etc. Des trucs tout cons, des gamins qui n'ont jamais vu la neige et qui ne savent pas ce que c'est qu'un pingouin. Il faut essayer d'installer un climat de confiance qui fait que les enfants ils vont pouvoir venir poser des questions sur des choses qu'ils ne savent pas, parce que c'est du culturel. Tout ça c'est du culturel. Un texte de lecture c'est du culturel. Donc moi je ne crois pas qu'on est tous pareils. Après moi l'idéal républicain j'y crois un peu quand même, enfin j'essaie d'y croire pour le coup. Ça... Je trouve que c'est une belle idée la République. Je pense que l'horizon républicain, il est juste, quoi. Il permet une certaine justice, en tous les cas, face au droit, quoi. Après, c'est sûr que, par rapport à la société, on est loin, mais... Oui, Zoé, dis-moi. Oui, papa, parce qu'elle doit garder, et après le récré, il me donnera. D'accord, alors va donner à Sandra. Sur les tables, je veux voir uniquement les trousses rangées, fermées. Et la tête dans les bras. Alors regardez bien le titre déjà. En retard, Leonardo. Modibo, ferme la porte. Allez, sortez vos cahiers, vous les ouvrez. Partie exercice. Ibrahim, c'est bon? Alors là, c'est le début d'année, donc là, moi, je les ai laissés placer comme ils voulaient. Et puis, naturellement, ils se regroupent un peu entre eux. Après, il va falloir que je refasse un peu en classe. Yacine El Jaouari, vous êtes professeur ici au collège Lucie Raymond Aubrac, dans le 11e arrondissement. Ça fait 15 ans que vous exercez. C'est quoi? C'est une vocation? C'est du hasard? Moi, je me souviens que j'ai fait, en fait, des études d'histoire à la Sorbonne et qu'à la fin de mes études d'histoire, je me suis inscrit au concours un peu pour voir... Et puis en fait, je l'ai eu. Et puis après, je me suis retrouvé prof. Donc c'est pas quelque chose que je voulais faire depuis très jeune. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Et puis comme tous les débutants, en fait, j'ai été affecté en banlieue parisienne. Donc là, pour le coup, dans le Val d'Oise, quoi. Voilà. Donc et là, j'ai fait mes 10 années dans le Val d'Oise. Et puis comme le système l'exige au bout d'un certain nombre d'années en éducation prioritaire. Finalement, au bout de ce temps-là, j'ai eu un poste sur Paris. Et là, maintenant, je suis en poste sur Paris depuis... Alors, c'est ma quatrième rentrée. Voilà. Mais bon, les 10 ans de Val d'Oise, ce n'est pas une parenthèse non plus. Hein. J'ai appris à connaître aussi des élèves, des milieux aussi que je ne connaissais pas, des univers culturels et mentaux qui m'étaient parfois inconnus et qui, au début, nous paraissent tous étranges. Donc voilà, le plus dur, je pense, enfin, en tout cas pour moi, c'était plutôt un effort sur moi-même à faire pour que je ne tombe pas dans le jugement. Avec une violence aussi de la découverte d'une misère vraiment, mais très importante, d'une misère qui, moi, me semblait impossible en France, personnellement. Voilà, c'est parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger, j'arrive en France et j'avais idéalisé peut-être aussi un peu la République française, la devise, etc. Et quand je suis nommé dans le Val d'Oise, je découvre des misères qui me paraissaient... incroyable. C'est quoi, ces misères? Ces misères, par exemple, des des élèves qui ne mangent pas le midi, c'est des élèves qui dont les vêtements évidemment ne peuvent pas être changés aussi souvent que d'autres, c'est tout simplement un élève, par exemple, je me souviens d'une histoire particulière, un élève qui était rentré chez lui un jour et avait trouvé la porte fermée par des huissiers. Moi, je n'ai jamais su vraiment quoi. Enfin, jamais su. En tout cas, au début, je ne savais pas vraiment quoi faire de tout ça. Quand un élève nous raconte ça, nous raconte ses déboires, ses problèmes sociaux qui sont énormes, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que prof? Moi, quand je lui demande d'apprendre sa leçon, est-ce que je dois exiger de lui qu'il apprenne vraiment sa leçon? Ou est-ce que je me dis, bon, il est en train de vivre quand même quelque chose d'extraordinaire, mais est-ce que cet extraordinaire, c'est pas aussi un peu son ordinaire? Donc voilà, donc on est dans des questionnements comme ça. Est-ce que la culture va pas l'aider aussi? Et petit à petit, j'ai découvert que les élèves nous ont forcés, m'ont forcé à changer ma façon d'enseigner. Et donc tout ça, voilà, fait qu'à la fin, je me suis retrouvé quand même à avoir changé même d'attitude vis-à-vis des élèves. Au début, j'étais très strict, très distant. Je me retrouvais avec, pour moi, des élèves qui étaient dont j'avais peut-être aussi peur au fond. Moi, je me souviendrai toujours que cette peur, je l'ai masquée par une forme d'autorité comme ça pendant des années. Et qu'après, j'ai pu lâcher seulement un moment ça et être plus bienveillant avec eux, mon autorité ne diminuait pas, au contraire. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas et qui est assez douloureux dans un sens, parce qu'on le fait, dans des conditions où on a peu de personnes autour, à part des gens qui ont notre âge. On se retrouve tous dans le même établissement avec le même âge, à peu près le même bagage. Et c'est difficile puisque chacun se retrouve avec ses problèmes qui sont un peu les mêmes que son voisin, mais on n'ose pas forcément en parler. Donc ça, c'était assez dur au début. Et puis quand j'ai appris que les élèves, finalement, ils attendaient aussi des choses toutes simples, des gestes, des paroles de ma part, tout ça aussi s'est petit à petit amélioré. Alors je mets deux feuilles par table pour l'instant. On va voir si ça va. Je ne voulais pas tout de suite, non, on attend. Nathalie Mons, vous présidez le Conseil national d'évaluation du système scolaire et vous avez publié en 2016 un rapport consacré aux inégalités sociales à l'école qui semble faire écho à la parole des profs, justement, qui arrivent à la même conclusion que vous, à savoir l'inefficacité de la politique des ZEP, de la politique des zones d'éducation prioritaires. Alors, nous voulions poser en fait un diagnostic avec un regard neuf sur les inégalités sociales à l'école. En effet, cela fait plus d'une décennie qu'il y a différents signaux qui nous alarment sur le niveau extrêmement élevé des inégalités sociales dans l'école française. Aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on regarde par exemple les enquêtes internationales de l'OCDE sur les élèves de 15 ans, on voit que sur certaines disciplines, la France est en tête, malheureusement, du palmarès des inégalités sociales dans les systèmes éducatifs. Le rapport pointe différentes faiblesses. La France a misé très largement et presque entièrement dans sa lutte contre les inégalités sociales sur une politique d'éducation prioritaire. Cette politique a été installée dans les années 80 et il faut bien dire que dans les années 80, ça correspondait réellement à un projet tout à fait innovant. Et dire donc voilà, il y a des élèves qui ont moins par ailleurs, moins dans leur contexte familial, et donc il faut les aider davantage à l'école. Il faut mettre davantage de ressources dans l'école. Donc on voit que à la base, évidemment, c'est une très bonne idée. Mais il faut remarquer qu'à l'époque, cette politique était présentée comme temporaire, parce que d'abord elle aurait abouti. On aurait ouvert à davantage de mixité et parce que, dernier point tout à fait important, parce qu'elle risquait d'entraîner des effets pervers. Ces politiques pourraient entraîner une forme de stigmatisation de ces établissements, labellisés éducation prioritaire, et donc finalement, à partir de cette labellisation, un départ des familles les plus aisées, voire même détourner même les enseignants de ces établissements. Donc il est intéressant de voir que dans les années 80, on met en place cette politique innovante, mais que dès le début, elle est considérée comme devant être temporaire. Or, elle va s'installer dans le temps et que l'on a toujours cette politique. Donc ça, c'est une partie de l'explication. La seconde explication, c'est que cette politique d'éducation prioritaire a été largement étendue. Et ce faisant, on a aussi dilué les ressources finalement attribué à ces établissements prioritaires. Lorsqu'on regarde les statistiques avant le début de ce quinquennat, puisque ça c'est une politique qui va être mise en place, on se rend compte que finalement, ni les écoles, ni les collèges d'éducation prioritaire ont vraiment des effectifs par classe qui sont beaucoup plus faibles. Ils sont finalement à un ou deux élèves proches des établissements ordinaires. Quand on regarde aussi les caractéristiques des enseignants, là encore, ces établissements ne bénéficient pas d'enseignants chevronnés, puisque arrivent dans ces établissements principalement des enseignants tout à fait débutants, qui affrontent pour la première fois des classes et dans des contextes extrêmement compliqués, si bien qu'au bout de 3 ans, beaucoup demandent à en bouger. Et donc ces établissements sont aussi marqués par un très fort turnover. Donc on voit combien il peut être compliqué dans un établissement d'éducation prioritaire de monter un projet, parce que vous avez parfois la moitié de l'équipe qui est renouvelée tous les ans. Alors, depuis 2015, on a une nouvelle politique d'éducation prioritaire qui a été mise en place et qui joue davantage sur les leviers, justement, pour rendre cet enseignement en éducation prioritaire davantage efficace, notamment en développant des formations pour ces enseignants, en donnant aussi davantage de temps aux enseignants pour qu'ils puissent se coordonner. Ceci dit, malgré ces avancées, malgré l'élan des équipes, tout ça bute quand même sur des phénomènes de ségrégation qui demeurent et qui sont extrêmement forts. Une classe qui est constituée quasiment uniquement d'élèves en difficulté est tirée mécaniquement vers le bas. Je veux dire, on est quand même à un tournant où on doit très largement réfléchir à ce qui se passe en France. On peut aussi établir des liens entre l'éducation et le niveau d'intégration des communautés issues de l'immigration. Et ça, le rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire le montre très bien. Donc, il faut se dire, nous avons besoin demain d'une population nationale éduquée à un haut niveau, pour avoir une croissance économique forte, pour avoir une société démocratiquement forte, pour avoir une cohésion nationale et sociale qui ne soit plus déséquilibrée. Et comment on fait ? Comment on fait ? Ça veut dire qu'on regarde dès le début, parce qu'en fait, les années du primaire sont fondamentales. Alors, on en était à Frédéric, est arrivé là. Vas-y. Qui recouvre, on dit pas recouvre, on dit qui recouvre. Le trottoir. Le trottoir. Très bien, Roca, continue. Et voit son. Son. On fait la liaison là. Son empreinte. En. Empreinte. Son empreinte. Tu me le relis ça ? Son empreinte. Très bien. Comment on fait dans une classe pour s'adapter ou adapter son enseignement à des gens qui ont un capital culturel assez fort et à des enfants qui n'ont pas ce capital culturel ? J'imagine toujours que mes élèves n'ont pas de chambre ou pas de bureau chez eux ou pas de livres. Voilà, moi je sais que quand je fais un tri dans ma bibliothèque, ça va en priorité à ces enfants-là, je vérifie que tout le monde en actionnaire, sinon j'en donne un. Ça va aussi par demander très peu de fournitures aux parents d'élèves, pour pas mettre dans l'embarras ces familles-là. La société, elle creuse tellement les différences. C'est aussi organiser des choses, des trucs tout cons, j'en sais rien. Par exemple, quand je fais un pique-nique, j'essaie de faire en sorte qu'on organise collectivement le pique-nique. Donc, je tourne ça autour du zéro déchet, par exemple. Mais, par exemple, il n'y a qu'un gamin qui amène des chips, c'est un grand paquet, pour faire moins de déchets. Mais en fait, c'est aussi pour que tout le monde... Voilà, j'essaie de petit à petit, comme ça, d'instaurer des choses qui fait qu'on ne voit pas les différences entre le mombogo qui va débarquer avec sa petite salade de légumes bio et l'autre qui aura un kebab froid, parce que ça arrive assez souvent. Voilà, donc on essaie de gommer ces choses-là en passant par d'autres biais, mais l'école, elle ne peut pas gommer les inégalités de la société. L'école, elle, pour moi, actuellement, elle est faible dans la société. Elle est faible parce que déjà, elle a très peu d'enseignants qui viennent de milieux défavorisés. Donc souvent, c'est quelque chose que les enseignants ne connaissent pas. Les enseignants sont à 90% tous des bons élèves. Donc la difficulté scolaire, c'est quelque chose... Voilà, moi, ce que je dis souvent à mes stagiaires qui sont à l'ESP, c'est oublier l'élève que vous avez été. Oubliez-le. Enfin, il faut le mettre loin, quoi. Donc on a des leviers, heureusement, surtout à Paris. Donc ça permet de réduire quelque peu, d'ouvrir en tous les cas, d'ouvrir des portes, de montrer que ça existe, de montrer que ça coûte pas forcément cher. Je crois beaucoup à l'enseignement par les arts, mais à condition que les mômes y soient en pratique, pas en les confrontant à la vitrine, comme on fait souvent avec les mômes de milieux défavorisés. En disant, tiens, regarde, c'est beau, tu n'as pas le droit tout le temps, tu as le droit un peu là à l'école, mais en essayant de les inclure là-dedans. Je trouve que la difficulté, c'est d'inclure ces enfants. Mais l'école est encore d'une culture bourgeoise folle, quoi. C'est compliqué. C'est pas le monde des bisounours, quoi. On les voit, les différences, on voit ce qui se passe, on voit les mômes dont les parents connaissent pas le système scolaire et qui ont du mal à choisir des voies pour leurs gamins, etc. C'est compliqué, ils sont peu accompagnés par la société. Et puis ils osent pas, l'école c'est un sanctuaire, il y a une espèce de... Moi je fais beaucoup venir les parents dans ma classe. Et il y a plein de parents, des fois où je fais des rallyes de maths, etc. Et où j'en ai, ils me disent « Non, mais moi, je ne parle pas bien français, je ne peux pas venir, etc. » « Si, si, venez, venez. » Ils ont peur parce que ça... Puis en plus, les parents, ils ont tous leur histoire avec l'école. Donc ça aussi, ça renvoie. Et quand on vient d'un autre pays, quand on est d'un milieu social peu élevé, qu'on a fait peu d'études, voilà. Moi, j'ai des parents qui ne m'écrivent pas de mots parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux, parce qu'ils écrivent mal, etc. Mais c'est pas j'étais pas pessimiste, c'est juste que pour moi, pour lever les inégalités, il faut plusieurs leviers. L'école, c'en est un, mais il y a le logement, il y a la nourriture, il y a l'accès aux soins, il y a tout ça, quoi. Donc, l'école, ça marche plutôt pas mal, contrairement à ce qui est dit quand même. Les enseignants, ils sont dévoués à cette cause-là, et je pense qu'ils sont vraiment. Il y en a beaucoup qui sont dévoués quand même à ça, mais on peut pas faire, on peut pas être tout seul, quoi. Je veux dire, on peut pas remuer ciel et terre pour que les mômes ils aillent chez le médecin, parce qu'il y a plus de médecine scolaire, donc, enfin, il y a tout ça, quoi. Je veux dire, Sur celui-là, moi, ça arrive. Tiens, Romain, viens distribuer. Elsa Bernardo, vous êtes devenue prof par hasard ou par vocation? Disons que j'aimais lire, je me suis dirigée vers des études de lettres. Et une fois qu'on a fait des études de lettres, il n'y a pas non plus tant de débouchés, comme on dit. Donc j'ai tenté les concours d'enseignement, comme la plupart de mes condisciples, et je l'ai obtenu. Donc je me suis dit que j'allais relever le défi, que j'allais voir ce que ça donnait. Mais il y a quand même un désir de transmission. Alors j'imagine, comme tous vos collègues jeunes, que vous avez commencé dans un établissement difficile ou dit difficile. Oui, je suis allée enseigner à la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois pour commencer. Je suis arrivée dans un établissement un peu dit ghetto, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment que des enfants issus de l'immigration. C'est la fameuse cité des 3000 dont on a entendu parler pendant les émeutes de 2005. Ce qui faisait peut-être l'unité de tous ces élèves, c'est qu'effectivement, tous les acquis culturels, en tout cas de la culture scolaire française, occidentale, ils les avaient acquis grâce à l'école, bien plus que par le milieu familial. Et ce qui est très très visible dans des matières comme le français. Il y a énormément de mythes ou d'images ou de rumeurs qui courent sur ces établissements où il serait impossible de faire cours. C'est à la fois faux et vrai. Disons que c'est beaucoup plus difficile d'y enseigner, surtout quand on est peu expérimenté et les premières années où il faut se faire un peu, on va dire, adopter des élèves. Mais si on s'accroche dès la deuxième année, c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi beaucoup de solidarité entre enseignants. Et j'étais même surprise quand je suis arrivée à Paris de me retrouver finalement avec des élèves qui n'étaient pas forcément meilleurs, en fait. Même si maintenant à Paris, j'ai affaire à un public plus varié, mais qui pose d'autres difficultés. Donc, la difficulté de gérer justement l'hétérogénéité dans une discipline où il y a vraiment un grand écart entre les élèves liés à leur milieu d'origine, parce qu'entre un enfant qui va à la Comédie Française avec sa grand-mère et un enfant qui n'a jamais mis les pieds au théâtre et qui n'a pas spécialement envie d'y aller, forcément les références culturelles ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est quand même un défi, c'est pas simple d'enseigner dans des classes dont les niveaux sont très très différents. Éric de Barbieu, vous travaillez à l'Observatoire de la violence à l'école et justement je voulais savoir si vous pensez que l'école est aujourd'hui en mesure de gérer cette hétérogénéité sociale, cette mixité. On sait que plus vous mettez ensemble, c'est la criminologie de base, plus vous mettez ensemble des individus en difficulté, plus augmentez leurs compétences sociales à faire bande contre vous. Donc, groupez ensemble les élèves difficiles, vous pouvez être sûr que vous créez des classes cocottes-minutes, dont personne ne voudra, qu'on mettra évidemment pour celui qui vient d'arriver, hein, le petit jeune qui va du coup se décourager totalement. Alors maintenant, est-ce que c'est une solution, la mixité? La recherche a très bien montré que pour les enfants les plus en difficulté, donc on avait beaucoup plus de bénéfices en termes d'acquisition pour ces enfants quand ils étaient dans des classes mainstream avec tous les autres élèves et que ça ne nuisait absolument pas aux apprentissages de l'élite. Bon, il faut savoir gérer cette hétérogénéité. Mais gérer l'hétérogénéité, c'est pas naturel. ça s'apprend. Ou est-ce qu'on apprend simplement, mais simplement une chose, comment on distribue la parole ? Technique de communication. Comment on fait mettre les élèves en groupe ? Parce que les élèves vont se bousculer au début, ils n'ont pas l'habitude. Comment on apprend tout ça ? On ne le fait pas, vous voyez ? On n'apprend pas les gestes professionnels de base qui tout permettraient justement de résoudre cette question-là. Je comprends très bien, si l'enseignement il doit être frontal et uniquement frontal, il est très possible que ceux qui ne comprennent rien, qu'on met au fond de la classe ou devant, peu importe, finissent par être un petit peu bordélisants dans l'école. C'est vrai, mais ça veut dire qu'il faut effectivement tenir compte du fait que l'élève moyen, ça n'existe pas. Et que l'apprentissage coopératif, collectif, la gestion des hétérogénéités, ça compte. Ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne peut pas faire des groupes niveaux, qu'on ait des groupes avec des enfants plus en difficulté sur lesquels on fait un coaching un peu plus important sur les maths ou sur le français, pourquoi pas. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait forcément, dans certaines disciplines, les éloigner ou les mettre à part. Bon, parce que là, ça construit en fait vraiment du décrochage scolaire, de l'échec scolaire et finalement de la violence. Je dirais que des élèves, on va dire, issus de milieux défavorisés, mais qui ont une certaine appétence scolaire, vont pouvoir apprendre des enfants d'autres milieux, s'échanger des livres, vont pouvoir développer des amitiés et d'échapper aux clichés que les uns peuvent avoir les uns des autres, d'avoir une connaissance plus fine et directe, même si plus tard, ils ne sont pas forcément voués à se rencontrer dans leur futur milieu professionnel ou... Mais quand même, ça peut être, on va dire, un bienfait pour la société en général. Mais à condition d'avoir des classes à effectifs réduits, par exemple, d'avoir une configuration qui nous permette d'aider quand même ces élèves-là et proposer des activités qui peuvent être faites partout, tout en proposant, faire ce qu'on appelle la différenciation pour que chacun puisse y trouver son compte et apprendre quand même quelque chose. Ça peut aussi créer des conflits entre les élèves. Ça peut être violent aussi pour les élèves de se confronter à la réussite des uns et des autres. Ils peuvent ne pas avoir non plus la capacité de comprendre pourquoi ils échouent alors que les autres réussissent et ils peuvent le culpabiliser, trouver que c'est parce qu'ils sont bêtes alors que les explications sont quand même largement plus sociologiques. Donc ça peut être violent. Seulement, de toute façon, tôt ou tard, ils seront confrontés à cette violence-là. Donc la question, c'est un souci à une sorte de dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux les mettre dans un certain cocon et les mettre en situation de réussite ? Mais à un moment donné, ils vont se retrouver à se rendre compte qu'il y a des élèves qui en savent bien plus qu'eux. Et ça va être au lycée, ça va être à l'université. Il y a un taux d'échec important dans les universités. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils s'en rendent compte avant ? Enfin, pour moi, c'est difficile de trancher. Donc j'essaye finalement de ne pas me poser de questions, de faire modestement avec ce qu'on me donne, les classes que j'ai, c'est de faire en sorte qu'un maximum d'élèves travaillent, progressent, c'est de ne pas me poser trop de questions comme ça. Je pense que ce n'est pas forcément non plus mon rôle en tant que professeur. Il y a des didacticiens, il y a des pédagogues, il y a des ministres, et c'est plutôt à eux de résoudre ces défis-là en fait. Le monde de la formation justement, c'est un autre échec gravissime. Nicolas Sarkozy était président de la République, on a supprimé la formation. Erreur gravissime. Mais celle qu'on a remise n'est absolument pas satisfaisante. Je m'amuse simplement à lister ce qu'on leur propose en 52 heures à ces étudiants de Master 2 qui vont être ensuite dans un collège. Mais c'est la même chose dans une école élémentaire. Ils vont avoir 2 heures psychologie de l'adolescent, 1 heure sur école sans notes, 2 heures présentation du lycée professionnel, 3 heures présentation de l'enseignement spécialisé, 3 heures psychologie de l'adolescent, 1 heure faire face à la crise, etc., etc. Des conférences en 1 heure ou 2 sans aucun effet de formation. Il n'y a pas de pensée sur ce dont on a besoin en termes de formation. J'ai interrogé, j'ai eu les réponses, donc maintenant de 44 000 membres du personnel, sur leurs besoins de formation. Les choses sont très simples. Les mots qui reviennent en premier, si on fait simplement une analyse des mots, de leur fréquence, sont les mots gestion, conflit, difficile. Alors, et après parents, ils ont besoin d'avoir une formation humaine, ils ont besoin d'avoir une formation en gestion des conflits, ils ont besoin d'avoir une formation réellement commune. Vous savez, l'école, le collège, le lycée, ce sont des tuyaux d'orgue, comme on dit, où chaque fonction est séparée. Alors, je suis désolé, l'enfant, l'adolescent, le jeune, il n'est pas découpable en tranches de saucisson. C'est le même jeune avec des gens qui n'ont pas de continuité dans l'action éducative. Comment voulez-vous que ça fonctionne réellement ? Si bien que ça fonctionne quand même, mais au prix d'un stress, au prix d'une fatigue des personnels qui est énorme. C'est pas par hasard. Si on n'arrive plus à recruter, il y a les questions, bien sûr, de salaire. Mais il y a aussi tout ce qu'on raconte sur le monde de l'éducation. Vous savez, ce qui a changé là, réellement, récemment, c'est quand même le triomphe de l'antipédagogie. C'est quand même le triomphe de ces personnes qui pensent que ça sert à rien d'avoir une formation pédagogique et même que c'est la cause de l'échec scolaire ou de la violence à l'école, qu'il suffit d'avoir des savoirs pour réussir à être un bon prof. Je suis pour qu'on ait des profs qui aient des savoirs. Mais en attendant, on a besoin de former des professionnels, des gens qui savent ce que c'est qu'un travail de groupe. Que voulez-vous ? Vous allez, pendant plus de 40 ans de votre vie, faire face à des groupes d'enfants, de jeunes, qui auront plus ou moins envie d'être là, avec des difficultés, par exemple, sur la gestion de ce qu'on appelle les minorités actives, et on ne sait même pas comment ça fonctionne. Enfin, le moindre cadre dans la publicité, c'est ce que c'est qu'une gestion de groupe. Les hôtesses de l'air ont des formations à ce type de choses. Pas nos enseignants. Cherchez l'erreur. Les enfants grandissent. Les parents ne voient pas toujours les enfants grandir. Et ils s'aperçoivent que l'an prochain, c'est le lycée. Et moi, je comprends qu'ils s'inquiètent, en fait. Il y a des situations dans lesquelles c'est plus facile de les rassurer que d'autres. Et donc là, pour moi, aujourd'hui, c'est assez tranquille, en fait. Asseyez-vous, installez-vous, je vous en prie. Je vais mettre mon nom au tableau. Donc, je suis Monsieur Pignol. Professeur principal en 3e D et accessoirement j'enseigne l'histoire-géographie. En fait, j'ai à vous dire à peu près la même chose que ce que j'ai dit à vos enfants le jour de la rentrée. Dans l'année de 3e, les trois moments importants sont le stage, le brevet, l'orientation. Le stage, c'est pas fait. Alors, vous avez fait vos armes comme les autres dans des établissements compliqués, difficiles? Oui, oui, tout à fait. Après une année de stage, stage obligatoire, à l'époque ça s'appelait l'IUFM de Paris, j'ai été nommé dans un collège du Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges, au sud de Créteil, dans une cité, un collège complètement coincé dans la cité, qui avait le label à l'époque PEP 4, ça s'appelait. C'est-à-dire qu'on restait 5 ans dans le collège et puis on avait le droit à une mutation. Un peu comme au 19e siècle, on devait rester 7 ans en Cochinchine et ensuite on pouvait revenir en France. Il y avait un côté comme ça. Donc j'ai fait mes 5 ans en banlieue. Je me souviens la première année, par exemple, on avait en tant que néo-titulaire un formateur qui nous avait dit explicitement « Écoutez, je vois pas pourquoi vous vous entêtez à faire cours. On vous confie des gamins dont on sait très bien qu'ils vont devenir délinquants. Occupez-les et regardez le temps passer, quoi. » Enfin, je suis un peu noir, là. C'est un peu sombre, ce que je raconte. Le sentiment que j'en ai tiré, c'est que faut se débrouiller seul. Avec les collègues, éventuellement. Ça, il y a une solidarité quand même entre collègues qui est assez forte et qui est bénéfique. Mais du reste du monde, c'est-à-dire l'encadrement administratif, ces choses-là, il n'y a absolument rien à attendre. Et en fait, on a des gamins en face de nous, même s'ils vont devenir délinquants, c'est des gamins, et ils sont curieux. Et il y a souvent un moyen d'éveiller leur curiosité. Pas toujours, faut pas se raconter que les gamins sont toujours passionnés par ce que je raconte. Il y a des gamins qui dorment au fond de la salle. Parfois, c'est peut-être ce qu'ils ont mieux à faire aussi. Donc, si on a 3 ou 4 pour lesquels c'est pas possible, c'est pas possible pendant 3 mois, peut-être. Il y a des choses qu'il faut admettre. On n'est pas. Je pense à un gamin en particulier qui arrivait en classe, sale, dépenaillé, sentant mauvais. À la réunion parents-prof au mois de décembre, je rencontre le père qui parlait difficilement français, qui était, comment dire, accablé vraiment par la vie qu'il menait dans cette cité. Le gamin était en 5e et le père me dit « Le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il sorte pas, c'est de lui voler les chaussures. » Quand le gamin rentre, je lui tire ses godasses. D'une certaine manière, quoi que j'obtienne de ce gamin par la parole, me paraissait mieux que si je laissais le gamin s'enfermer dans cette relation à la limite de la violence, parce que le gamin, il va finir, dans 2-3 ans plus tard, il va finir par taper sur son père. Faut voir les choses en face. Voilà, une genre d'anecdote qui fait que, quel sentiment général on peut tirer, j'en sais rien, en fait. Je suis face à des gamins qui ont chacun une histoire personnelle particulière, dont je ne dois pas tenir compte, mais dont je ne peux pas ne pas tenir compte aussi à des moments, quoi. Ça saute aux yeux. Donc on sait dès le départ qu'une partie des élèves pour qui on fait cours finalement finiront par échouer ou pas? Non. Je suis hostile à cette idée. Bien sûr qu'on sait que certains auront plus de mal que d'autres. On n'est pas Merlin l'Enchanteur, faut pas s'imaginer qu'on a effectivement un pouvoir de déterminisme social sur les gamins absolu. Un autre exemple, un gamin qui était absolument infernal, qui passait les heures de cours à faire des bruits d'animaux. Il essayait toutes sortes de bruits d'animaux, il avait un certain talent d'ailleurs. Je l'ai recroisé par hasard à la gare de Clermont-Ferrand, 5 ans plus tard. C'est un gamin, c'était atroce, quoi. Enfin, je veux dire, je le foutais dehors, il allait à l'infirmerie, c'était n'importe quoi. Je l'ai recroisé à la gare de Clermont-Ferrand. Il avait trouvé un boulot d'ouvrier en Bretagne, dans une usine de poulet ou un truc comme ça. On aurait pu le dire à l'avance qu'il trouverait ce genre de boulot. Et en même temps, le gamin était super calme, il m'a salué avec beaucoup de politesse. Donc, il y a une forme de socialisation, en fait, peut-être c'est la première chose, une forme de socialisation qu'il avait acquis, et c'est pas plus mal. Après, il avait peut-être aussi intériorisé le fait qu'il était destiné à être dominé, et puis donc il avait accepté son boulot d'ouvrier dans une usine d'agroalimentaire. Peut-être que j'ai simplement permis qu'il se révolte pas. Dans ce cas, c'est un échec. Je sais pas. J'ai pas de réponse là. T'as quelqu'un pour cet après-midi ? Hein, t'as une classe ? Avec les cinémas. Je regarde qui est-ce. Oui, ça, c'est ma collègue. Allô ? Oui, bonjour, Catherine. Catherine, je vais mettre le haut-parleur parce que je suis avec un journaliste. D'accord ? Il veut savoir quoi ? Comment ça se passe ? Non, c'est-à-dire que chez toi, c'est comme chez moi. Ah bah, arrête plus, moi. Hein. C'est... Là, tu vois, j'en ai une, là, depuis ce matin. Là, elle est en train de me faire la danse du ventre, là. Comment ça, elle te fait la danse du ventre ? Ah ben, elle est en train de danser au lieu de faire le travail qu'elle a à faire. Et ou bien elle hurle, ou bien elle pleure, ou bien elle trépigne, ou bien elle saute sur sa chaise. Voilà. Donc, je bosse depuis ce matin avec elle dans mon bureau. D'accord. Bon, Chloé, tu arrêtes ! Tu me fatigues ! Bon, enfin, voilà. Donc, mes deux CM1, tu vois, j'ai de la place en CP, en CE1, en CM2. Mais les deux niveaux où je n'ai pas de place, c'est là où il arrive du monde. Et donc, ça ne te dit rien, tu m'as son... Si, ça me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est un calme, pas un calme. De toute façon, moi, je ne peux pas le prendre, c'est pas possible. Oui. J'ai deux dépressions nerveuses, là, annoncées. D'accord. C'est-à-dire, elles sont déjà en dépression, là, tu vois, hein, avec nos ouistiti, là. Bon, donc, toi, c'est plutôt non. Ben, c'est plutôt c'est non, fait... oui. Et sinon, tu vas bien par ça? On survit, on va dire. Ah, moi, j'ai fait mon dossier de faim. On peut plus. Bon, Catherine, on se rappelle. Ok, ça marche. Non. À bientôt. À bientôt, au revoir. Dans ma dernière enquête, j'ai quand même eu 12 000 réponses, c'est pas rien, hein, de personnel. On voit que 44% des personnels du primaire, par exemple, disent que le climat scolaire est dégradé, et plus de la moitié des enseignants du second degré. On assiste à un ras-le-bol des personnels qui est extrêmement important. Alors, il faut d'abord dire une première chose. Toutes les recherches sur le stress des personnels, et en particulier le stress des enseignants, montrent que les causes du stress ne sont pas leurs relations aux élèves. C'est d'abord les relations à l'équipe, c'est d'abord les relations entre adultes. Ce sont les principales causes de stress. Or, on est dans une école qui est excessivement individualiste du côté des personnels, qui est, on se replie sur sa classe et son savoir, en oubliant que le collectif est extrêmement important. Ça n'est pas naturel, le travail en équipe, ça n'est pas naturel. C'est une première chose. L'organisation même de l'éducation nationale, qui est si pyramidale, fait que à chaque échelon, maintenant, comme il n'y a pas d'accord idéologique, à chaque échelon, on est seul. On est seul dans sa classe, mais c'est le cas, par exemple, aussi pour les principaux de collège, pour les directrices d'école, qui souffrent énormément, parce qu'en plus, elles n'ont pas de statut, elles n'ont aucun statut hiérarchique. Hein. C'est très important. C'est une cause de souffrance sur le terrain qui est très forte. Donc, je suis Monique Mahodeau. J'ai été principale du collège Aubrac pendant 5 ans. Et voilà, je suis à la retraite depuis cette rentrée. Le côté management est le plus important dans notre métier. Et je crois qu'il faut surtout savoir tenir le cap. On est très seul. et peu aidé par notre hiérarchie. Je ne sais pas, un jour un professeur n'est pas là, on va avoir les... et puis il n'est pas là le lendemain, et puis pas là pendant une semaine, on va avoir les parents qui vont nous dire « mais que faites-vous madame ?» Si ça continue, on ne va pas laisser notre enfant dans votre établissement puisque ça ne se passe pas bien. Donc là, la hiérarchie, elle ne peut pas beaucoup m'aider non plus. Enfin, elle pourrait peut-être m'aider, mais elle ne nous aide pas. Donc c'est aussi ça, cette solitude face à tout le monde en disant « j'ai les élèves sur le dos, ils sont énervés, j'ai les profs qui ne sont pas contents parce que quand ils récupèrent leurs élèves, ils ont eu 2 heures de permanence, donc ça ne va pas. J'ai les parents à côté qui ne sont pas contents. » C'est aussi cette solitude, chaque instant, chaque jour, il se passe quelque chose en fait. Et ça ne tourne pas forcément comme on aurait voulu. Quand les familles vous disent « oh là là, mais si vous ne trouvez pas une solution, moi j'enlève mon enfant et je vais le mettre ailleurs », ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, c'est devenu un lieu... C'est devenu du consumérisme. C'est du consumérisme, exactement. Moi, si ça ne me plaît pas, je vais ailleurs, puisque il y a le privé. Il y a le privé pour certains, il y a la manière de déjouer la carte scolaire pour d'autres. C'est facile, hein. Bien sûr, c'est du consumérisme. Je ne vais pas dire qu'il y a une hiérarchie, enfin, il y a quand même une hiérarchie entre les établissements. Il y a les bons, il y a ceux qui ne sont pas en ZEP, donc on préfère, de toute façon, l'herbe est plus verte ailleurs. Et donc, si on met son enfant ailleurs, ça veut dire les bons élèves qui vont aller ailleurs. Notre établissement, il va être avec des moins bons élèves, qu'il va falloir pousser, mais ce sera plus difficile. Donc, nos chiffres vont tomber. Enfin, on est toujours quand même soumis à ces chiffres, valoriser le collège, qu'on fasse monter nos chiffres et progresser nos résultats au brevet, c'est ça qu'on nous demande. Les chiffres, c'est ça, c'est les pourcentages de réussite au brevet, par exemple. Oui, passage en seconde, bien sûr, on est soumis à cela. Moi, j'ai connu un établissement, quand j'étais arrivée, on ne présentait pas tous les élèves au brevet. C'était facile d'avoir des bons chiffres. Quand vous dites « on consomme l'école », ça a toujours été comme ça, depuis que vous êtes chef d'établissement? On consomme l'école à Paris. Chacun, ça fait peur de se mélanger, ça fait peur de trouver des familles étrangères, tout ça fait peur aux gens. Donc, ce consumérisme, je pense qu'on le trouve principalement à Paris. Dernière chose, enfin troisième chose, et après vraiment j'écouterai vos questions, l'affectation au lycée. Je vous explique maintenant comment ça se passe. Je pense que vous n'allez rien comprendre, c'est pas grave. On y reviendra, mais on n'y reviendra pas avant le mois d'avril et le mois de mai. Il est 7h, je vous laisse rentrer chez vous. Allez, bonne soirée. Merci d'être venu. L'égalité des chances, l'école pour tous, tout ça c'est du discours. L'école est le reflet de la société. Et notre rôle en partie est de réaffecter ces gamins dans la position sociale correspondante à celle de leurs parents, parce que malgré nos efforts, il y a des structures contre lesquelles on ne peut pas grand chose. Je pense, oui, l'école est vraiment le reflet de la société. Quand on se trouve en conseil de classe et qu'on a des gamins qui ont des sales notes depuis la 6e et on se retrouve en fin de 3e, ils ont toujours des sales notes, et là on entend la direction qui dit vraiment tu n'as pas travaillé, ce n'est pas sérieux, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Ça fait 4 ans qu'on le sait et qu'il n'a pas les moyens de travailler de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est la première vocation de l'école, à mon avis, est de sortir les enfants de leur milieu familial. C'est pour ça que l'école a été rendue obligatoire à la fin du 19e siècle. J'ai d'autres exemples d'enfants qui, grâce à l'école, ont réussi des études merveilleuses. Enfin, pour dire les choses simplement... ma compagne est fille d'immigrés kabyles, dont les parents ont toujours tenu à parler français à la maison. Et puis, grâce à l'école, elle est devenue médecin, son frère polytechnicien. Ça existe, mais pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Ça serait beaucoup plus efficace de filer du pognon dans les quartiers qui en ont besoin, de filer beaucoup de pognon pour que les gens vivent autrement. La première chose à faire, ça serait ça. Mais on a besoin d'une illusion, et cette illusion, elle est donnée par l'école. Et ça me paraît clair que c'est le ciment qui ne prendra jamais, mais qu'on essaye de mettre sur cette société qui est tiraillée dans tous les sens. C'est idéal de pouvoir dire aux jeunes adultes qui ont 20 ans, ben écoute, on t'a donné les mêmes chances qu'aux autres, tu es allé à l'école toi aussi, et tu te retrouves sans rien savoir, chômeur depuis 2 ans, c'est de ta faute. Voilà, une des fonctions de l'école. Je suis profondément persuadé qu'aujourd'hui, une des fonctions de l'école est de pouvoir dire aux gens, entre 20 et 30 ans, la place que tu as dans la société, c'est la place que tu as méritée. Parce que tu n'as pas été méritant à l'école, et tant pis pour toi. J'en suis profondément persuadé, donc ceci est très déprimant, en effet. Après, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, vaut-il mieux ce cadre de socialisation qu'à l'école ou la rue ? J'ai encore confiance dans mes collègues et dans les gamins pour penser que c'est un cadre de socialisation qui est plutôt mieux que de les laisser complètement à la rue. Jamila, Sidi, Mehdi. François Dubey, comment le sociologue de l'éducation que vous êtes observe le fait que les premiers pas des profs dans l'éducation se font quasi systématiquement dans des établissements dits difficiles ? Vous dites c'est plus difficile, donc on est mieux formé, donc on est mieux payé, donc on a plus de temps, donc etc. etc. Et ça veut dire donc on crée un statut particulier, ce qui moi, ne me choquerait pas une seconde. Ou on a une école publique qui a une volonté publique, ou on n'en a pas. Mais dans une société qui est, et ça c'est pas singulier à la France, dominée quand même politiquement, idéologiquement par les classes moyennes, je suis désolé, cette question n'est pas majoritaire, loin de là. Pourquoi faire des sacrifices pour des gens, entre guillemets, qui ne le méritent pas ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que le dire, ça veut dire on forme les enseignants, ce qu'on ne fait pas véritablement, ça veut dire on met plus de moyens, mais pas simplement des moyens, on affecte des modes de fonctionnement plus efficaces. Et d'une certaine façon, c'est pas apparu comme une priorité. Et puis le monde enseignant acceptait assez bien, au fond, il faut le dire aussi, ce système où pendant 3-4 ans de ma vie, je vais vivre difficilement, puis après je m'en sortirai. Alors en même temps, il faut être juste, il y a beaucoup d'enseignants qui se dévouent, se demandent pourquoi, parce qu'ils ne sont pas récompensés, qui se donnent mal de chien, etc. Mais notre système ne peut pas reposer sur l'héroïsme des individus. Et puis, en matière scolaire, les Français, enfin, je suis désolé, on a les sondages d'opinion, sont extrêmement conservateurs. Ils pensent que ça fonctionnait formidablement avant, qu'il faut revenir comme c'était avant, que l'autorité des maîtres doit être renforcée, assurée, un petit peu de Marseillaise, pourquoi pas. Voilà. Excusez-moi, je vais vous déranger encore un petit peu. Oui, alors pour Achraf, j'ai trouvé pour lui 3 stages. Oui. Et lui, il ne sait pas comment, c'est-à-dire quel stage qu'il peut faire. J'ai trouvé dans une maison d'architecte. Oui. Et je travaille avec les sapeurs-pompiers. Là. Moi, pour Achraf, les pompiers, ça risque d'être un peu dur. Oui, entendu. Merci beaucoup. Et vous passez le bonjour à Rania de ma part ? Oui, oui, à Rania. Oui, mais Rania, elle a redoublé le bac. Vous êtes oui, il m'a dit Achraf, et ça arrive. Et moi, regardez, j'ai fait 2 chocs à cause d'elle. Ouais. J'ai fait un arrêt cardiaque, parce que c'est-à-dire, j'ai fait tout mon possible. Et moi, j'ai fait 3 boulots, vous êtes en courant. Et comme j'ai fait les 2 rôles, maman et papa. Alors, Achraf, je suis contente de lui. Il est passé avec félicitations. Ouais, moi, je suis contente. Je suis toujours en train de le suivre. Et Rania, maintenant, elle est devenue plus forte que moi, alors... Elle va s'en sortir, Rania. Je vous remercie beaucoup, M. Peignot. Et s'il y en a un souci, vous me téléphonez ou bien vous écrivez un mot. J'espère qu'il n'y en aura pas. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, bonsoir à vous aussi. Merci. Un des aspects essentiels du boulot de prof que personne ne veut voir, enfin, que peu de gens veulent voir, est un boulot de comédien. On vient jouer notre rôle de prof, on vient occuper des élèves qui à 8h30 sont plus ou moins mal réveillés parce que la veille ils sont endormis à 2h du matin parce qu'ils étaient sur Snapchat ou des trucs comme ça. À un moment donné, je vais réussir à éveiller leur curiosité et j'ai la chance d'être prof d'histoire. Et je raconte des histoires. En lien avec le programme, que les inspecteurs se rassurent, je raconte des histoires et ce que j'enseigne à proprement parler, correspondant au programme, ne va toucher qu'une infime partie, ça c'est sûr. Mais le reste de ce que je suis face à ces élèves va les concerner et leur donnera une image d'un adulte qui s'occupe d'eux malgré tout. Je suis présent devant eux et c'est ça que je dois faire, d'être présent et digne devant eux et de leur donner un sentiment de dignité. Et je sais que les gamins sont contents de me voir. Et en même temps, je fais tout pour. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon rôle dans ce collège qui me paraît avoir un sens. Je repense à une phrase que j'avais lue d'un de mes profs d'histoire, Daniel Roche, qui disait « La mode est une farce dans laquelle personne ne rit parce que tout le monde joue. » L'éducation nationale et cette idée « On tire les élèves vers le haut, vers le bas », c'est une farce, mais dans laquelle personne ne rit parce que tout le monde joue. Tout le monde, c'est-à-dire les parents d'élèves, les enfants, les enseignants, la direction, tout le monde a envie de croire à ça et c'est, je vois pas pourquoi moi je m'arrogerais le droit de ne pas y croire un petit peu quand même par moment. Et puis c'est mon rôle de donner à un certain nombre d'élèves la culture que je veux défendre. Et en la donnant à quelques-uns, je ne sais pas ce qui va tomber dans l'oreille de certains dont je me dis a priori ils sont sourds, mais j'ai pas à les baptiser sourds définitivement. Et tirer les élèves vers le haut, c'est, comment dire, pareillement absurde. Et en même temps, j'ai très peu de chance de tirer les élèves vers le haut, et j'ai beaucoup plus de chance de les humilier. Les mauvais élèves qui passent 4 ans dans ce collège, il faut dire les choses comme elles sont, les cancres. J'ai été repris une fois par la principale parce que j'avais parlé de cancre en conseil de classe. Elle m'a dit « Monsieur Pignol, n'employez pas des mots comme ça. Un cancre, c'est un cancre, quoi. Il est jamais là avec ses affaires, il pense toujours à autre chose, il balance sa trousse par terre, il menace, il insulte, qui peut dans la classe. Bon, ça s'appelle un cancre. Ce cancre, ces cancres, ces élèves, j'ai toutes les chances pour que, ayant passé 4 ans dans ce collège, ayant collectionné les 5 ou 6 de moyenne dans toutes les disciplines, sortent du collège humiliés. C'est une réalité que on veut essayer d'éviter et qu'on cache derrière l'expression « ils ne méritent pas d'aller dans telle ou telle filière ». Donc un de mes premiers devoirs est d'éviter de les humilier, ce qui est particulièrement difficile parce que cette humiliation qu'ils ressentent, ils nous la jettent à la figure et ils la jettent à la figure de leurs camarades. Ils font tout pour bloquer le cours. Et ces élèves, je veux éviter de les humilier. Et c'est pas facile. Parfois, j'ai envie de le faire, en fait. Parfois, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie de les humilier. Ils le sentent bien. Ça dépend de la relation qu'on a établie avec eux. Je fais comme je peux, en fait. Avec un peu de morale, un peu de conscience, parfois. Et je me trompe certainement. Je pense quand même qu'aujourd'hui, ce qui détermine la réussite d'un gamin, c'est son milieu social. Quand j'ai appris qu'un lycéen de banlieue, il avait que 2% de chances d'entrer dans une université parisienne, c'est bon, on peut arrêter le débat. Fini quoi. Non, bah non. Donc pas de salut à travers l'école. Si. Non, je suis pessimiste. Non, si, il y a plein de salut. Moi, voilà, comme je disais, j'adore mon boulot. C'est un métier qui a du sens. Donc voilà, après pas de salut pour l'école, si bien sûr l'école en France elle fonctionne hein, aussi dans plein d'endroits elle fonctionne, mais le problème c'est que là où elle fonctionne pas on n'y arrive pas quoi, ça change pas quoi, et puis on nous aide pas quoi. C'est Emmanuel Macron la dernière fois qui disait oui l'école elle a abandonné les quartiers populaires, alors il y a plus de commerce dans les cités, il y a plus de bibliothèques, il y a des fois même plus de flics. Il y a toujours par contre des écoles, mais nous on a abandonné les quartiers populaires, quoi. Il y a des enseignants militants qui restent là, qui sont mal payés, qui n'ont pas de moyens par les mairies, parce que ça aussi, grosse inégalité quand même. Nous à Paris, on touche 55 euros par enfant, par an, pour acheter les fournitures. À Bobigny, c'est 15 euros. Bon, ben voilà, tout est dit, c'est pareil, quoi. Ça aussi, c'est très inégalitaire. Donc non, l'école, je pense qu'elle est faite de gens qui croient en l'éducation. Moi, j'y crois à fond, hein. J'y crois à fond à l'éducation. Je crois à fond à l'éducation par l'art. Je crois à fond à la République. Et voilà, donc non, ça, j'y crois. Je suis pas pessimiste là-dessus. Après, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale, elle a pas les moyens de ses ambitions. Quand l'école républicaine fabrique les inégalités sociales, parole de prof. Avec Laura Gédin, Alice Duroux-Gaucher, Yacine El-Jaouari, Nathalie Mons, Elsa Bernardo, Éric Debarbieux, Jean-François Pignol, Martine Flamand, Monique Mahodo et François Dubé. Merci à Timothée Bonny pour son aide précieuse. École républicaine, fabrique d'inégalités sociales. Réalisation Vincent Deck, attaché de production Marie-Vonne Bolivier. Coordination Perrine Kervan. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Vous mettez votre cartable à gauche de votre étiquette. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez devenir prof, bibliographie, lien, nous podcaster pour le CAPES ou nous réécouter en vacances, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram. LSD, la série documentaire. Demain, troisième étape, quand l'État impose la mixité. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires, Les Pieds sur Terre, Une Vie, Une Œuvre, Création On Air et Une Histoire Particulière.